sais pas ce qui me retient de me laisser aller à faire son bonheur avec tout mon cœur. Si je ne savais pas me retenir, je ne serais pas privé pour le lui dire tellement je l'adore. Retenez-moi où je vais faire son bonheur. Vous ne savez pas juste où peut aller mon cœur. Je ne sais pas ce qui me retient de porter la main sur son visage pour une caresse. Si je n'avais pas pu me retenir, je ne l'aurais pas laissé repartir pour un long voyage. Retenez-moi. Je vais faire son bonheur.